Car sur mon chemin, j'ai rencontré la mort. Les cheveux au vent, une longue robe noire. Des perles de sang coulaient de ses yeux noirs. Elle venait d'accomplir son triste devoir de tuer. Oui, chaque jour. Elle était son rôle. Dieu l'avait choisi parmi les peurs. Choisis.